Selon la radio CBS, le Parti pour un nouveau monde sud-coréen empêche à tout prix l'éclaircissement des dessous de la catastrophe Séoul. Le 10, la session parlementaire pour ajourner le délai des activités du comité d'enquête spéciale sur la catastrophe du paquebot Séoul a échoué à cause du boycottage des parlementaires du Parti pour un nouveau monde. Même après la condamnation du peuple dans les 20e élections parlementaires, la gouvernante et le Parti pour un nouveau monde refusent obstinément la demande de la population de réformer la loi spéciale sur le paquebot Séoul pour ajourner et renforcer les activités du comité d'enquête spéciale.